Chapitre 11. La veillée d'armes. C'est la fin d'un repas d'amis dans le parloir de la brocante. Le vieux Lehmanns, quand il est seul, casse une croûte au bout de la table de cuisine, en face de la Darnay, sans nappe, sans serviette. Lorsqu'il a du monde comme ce soir, la soigneuse auvergnate enlève en maugréant les housses blanches, serre précieusement les petits tapis de pied et dresse la table devant le portrait de monsieur, dans le paisible et propre salon de curé, livré pour quelques heures à des odeurs de fricot à l'ail et à des discussions très montées aussi dans l'argot des bas tripotages d'argent. Depuis que le grand coup s'apprête, ses dîners à la brocante sont fréquents. Il est bon pour ses affaires en compte à demi de se voir souvent, de se concerter, et nul autre part on ne le ferait aussi sûrement qu'au fond de cette petite rue Eguinard, perdue dans le passé du vieux Paris. Ici, du moins, on peut parler haut, discuter, combiner. C'est que le but est proche. Dans quelques jours, comment, dans quelques heures, la renonciation va être signée et l'affaire qui a dévoré déjà tant d'argent commencera à en rapporter beaucoup. La certitude d'une réussite allume les yeux et la voix des convives d'une allégresse dorée, fait la nappe plus blanche, le vin meilleur. Un vrai dîner de noces, présidé par le père Lehmanns et Pichéry, son inséparable, une tête de bois roide des pommadés à la hongroise, au-dessus d'un col de crin, quelque chose de militaire et de pas franc, l'aspect d'un officier dégradé. Profession, usurier en tableau, métier neuf, compliqué, bien approprié aux manies d'art de notre temps. Quand un fils de famille est à sec, rasé, ratissé, il va chez Pichéry, le marchand de tableaux, somptueusement installé rue Lafitte. « Avez-vous un Corot, un chouette Corot? Je suis toqué de ce peintre-là. »« Ah, Corot !» dit Pichéry fermant ses yeux de poisson mort avec une admiration béate. Puis, tout à coup, changeant de ton, « J'ai justement votre affaire. » Et sur un grand chevalet, roulé en face de lui, il montre un fort joli Corot, un matin tout tremblant de brumes argentées et de danse de nymphes sous les saules. Le gandin met son monocle, fait semblant d'admirer. « Chic, très chic. Combien ? 50 000 francs, » dit Pichéry sans sourciller. L'autre ne sourcille pas non plus. « À 3 mois ? À 3 mois, avec des garanties. » Le gandin fait son billet, emporte le tableau chez lui ou chez sa maîtresse, et pendant tout un jour, il se donne la joie de dire au cercle sur le boulevard qu'il vient d'acheter un Corot épatant. Le lendemain, il passe son Corot à l'hôtel des ventes, où Pichéry le fait racheter par le père Lehmanns à 10 000 ou 12 000 francs, son prix véritable. C'est de l'usure à un taux exorbitant, mais de l'usure permise sans danger. Pichéry, lui, n'est pas tenu de savoir si l'amateur achète ou non sérieusement. Il vend son Corot très cher, cuir et poil, comme on dit dans ce joli commerce. Et c'est son droit, car la valeur d'un objet d'art est facultative. De plus, il a soin de ne livrer que de la marchandise authentique, expertisée par le père Lehmanns, qui lui fournit en outre tout son vocabulaire artistique, bien surprenant dans la bouche de ce soudard maquillé, au mieux avec la jeune gomme et toute la cocotterie du quartier de l'Opéra, très nécessaire à ses trafics. De l'autre côté du patriarche Lehmanns, Séphora et son mari, leurs chaises et leurs verres rapprochés, jouent aux amoureux. Ils se voient si rarement depuis le commencement de l'affaire. J. Tom Lévis, qui, pour tout le monde, est à Londres, vit enfermé dans sa châtellenie de Courbevoie, pêche à la ligne tout le jour, faute de dupes à amorcer, ou s'occupe à faire aux spriches des farces épouvantables. Séphora, plus tenue qu'une reine espagnole, attendant le roi à toute heure, cérémonieuse et harnachée, mène la haute vie demi-mondaine, si remplie et si peu amusante que ces dames presque toujours se mettent à deux pour en supporter les longues promenades vides ou les loisirs écœurants. Mais la comtesse de Spalato n'a pas son double par la ville. Elle ne peut fréquenter les filles ni les déclassées du monde interlope. Les femmes honnêtes ne la voient pas et Christian II ne saurait supporter autour d'elle ce tourbillon d'oisifs qui compose les salons où ne viennent que des hommes. Aussi reste-t-elle toujours seule, dans ses boudoirs au plafond peint, aux glaces enguirlandées de roses et d'amours en escalade, ne reflétant jamais que son image indolente et ennuyée de tout le fade sentiment que le roi consume à ses pieds comme des parfums à migraine fumant sur des coupes d'or. Ah, qu'elle donnerait vite toute cette vie princièrement triste pour le petit sous-sol de la rue Royale, avec son pitre en face d'elle, exécutant la gigue des grands coups. À peine seulement si elle peut lui écrire, le tenir au courant de l'affaire et de ses progrès. Aussi, comme elle est heureuse ce soir, comme elle se serre contre lui, l'excite, le monte. Allons, fais-moi rire. Et Tom s'agite beaucoup. Mais sa verve n'est pas franche et retombe à chaque élan dans une pensée gênante qu'il ne dit pas, que je vous donne en mille à deviner. Tom Lévis est jaloux. Il sait qu'il ne peut y avoir rien encore entre Christian et Séphora, que celle-ci est bien trop adroite pour s'être donnée sans garantie, mais le moment psychologique est proche, sitôt le papier signé, il faudra qu'on s'exécute. Et, ma foi, notre ami Tom sent des troubles, des inquiétudes, bien étranges chez un homme dénué de toute superstition, de tout enfantillage. Il lui court des petits froids fiévreux et peureux en regardant sa femme, qui ne lui a jamais paru si jolie, avec un montant d'apprêt, de toilette et ce titre de comtesse qui semble polir ses traits, éclairer ses yeux, relever sa chevelure sous une couronne à pointe de perles. Évidemment, J. Tom Lévis n'est pas à la hauteur de son rôle, il n'a pas les solides épaules de l'emploi. Pour un rien, il reprendrait son épouse et planterait tout là. Mais une honte le retient, la peur du ridicule, et puis tant de fonds engagés déjà dans l'affaire. Le malheureux se débat, écartelé par ses divers scrupules, dont la comtesse ne l'aurait jamais cru capable. Il affecte une grande gaieté, gesticule avec son poignard dans le cœur, anime la table en racontant quelques-uns des bons tours de l'agence et finit par si bien émoustiller le vieux Lemans, le glacial Pichéry lui-même, qu'ils sortent de leur sac les meilleures farces, les meilleures mystifications à l'amateur. On est là, n'est-ce pas, entre associés, entre copains et coudes sur table. On se raconte tout, les dessous de l'hôtel, ses trappes et chausses-trappes, la coalition des gros marchands, rivaux en apparence, leurs trucs, leur trafic d'Auvergnat, cette mystérieuse franc-maçonnerie qui met une vraie barrière de collets gras et de redingotes râpées entre l'objet rare et le caprice d'un acheteur, force celui-ci aux folies, aux fortes sommes. C'est un assaut de cyniques histoires, une joute au plus adroit, au plus filou. Est-ce que je vous ai dit celle de ma lanterne égyptienne avec Mora ? Demande le père Lemans, dégustant son café à petits coups. Et il entame pour la centième fois, ainsi les vieux guerriers leur campagne favorite, l'histoire de cette lanterne qu'un levantin dans l'embarras lui cédait pour 2000 francs et qu'il revendit le même jour 40 000 au président du conseil, avec une double commission, 500 du levantin et 5 000 du duc. Mais ce qui fait le charme du récit, ce sont les ruses, les détours, la façon de monter la tête aux clients riches et vaniteux. Oui, sans doute, une belle pièce, mais trop chère, beaucoup trop chère. Je vous en prie, monsieur le duc, laissez faire cette folie à un autre. Je suis bien sûr que les Sismondo... Ah, dame, c'est un joli travail, cet entourage en petite châsse, cette chaîne ciselée... Et le vieux, s'animant au rire qui secoue la table, feuillette sur la nappe un petit agenda rongé des bords dans lequel son inspiration s'alimente à l'aide d'une date, d'un chiffre, d'une adresse. Tous les amateurs fameux sont classés là, comme les fiancés à forte dot sur le grand livre de M. de Foix, avec leurs particularités, leurs manies, les bruns et les blonds, ceux qu'il faut rudoyer, ceux qui ne croient à la valeur d'un objet que s'il coûte très cher, l'amateur sceptique, l'amateur naïf, auquel on peut dire en lui vendant une panne « Et, vous savez, ne vous laissez jamais enlever ça !» À lui seul, cet agenda vaut une fortune. « Dis donc, Tom, » demande Séphora à son mari qu'elle voudrait faire briller. « Si tu leur disais celle de ton arrivée à Paris, tu sais, ta première affaire, rue Soufflot. » Tom ne se fait pas prier, se verse un peu d'eau de vie pour se donner de la voix et raconte qu'il y a une dizaine d'années, revenant de Londres, décavé et fripé, une dernière pièce de 100 sous en poche, il apprend par un ancien camarade rencontré dans une taverne anglaise aux abords de la gare que les agences s'occupent en ce moment d'une grosse affaire, du mariage de Mademoiselle Beaujard, la fille de l'entrepreneur, qui a 12 millions de dot et s'est mise en tête d'épouser un grand seigneur, un vrai. On lui promet une commission magnifique et les limiers sont nombreux. Tom ne se déconcerte pas, entre dans un cabinet de lecture, feuillette tous les armoriaux de France, le Gotha, le Bottin, et finit par découvrir une ancienne, très ancienne famille, ramifiée aux plus célèbres et domiciliée rue Soufflot. La disproportion du titre avec le nom de la rue l'avertit d'une décadence ou d'une tare. « À quel étage, monsieur le marquis de X ?» Il fait le sacrifice de sa dernière pièce blanche et obtient du concierge quelques renseignements. Grande noblesse en effet. Veuf, un fils qui sort de Saint-Cyr et une demoiselle de 18 ans très bien élevée. 2 000 francs de loyer, le gaz, l'eau et le tapis, ajoute le concierge pour qui tout cela compte dans la dignité de son locataire. Tout à fait ce qu'il me faut, pense J. Tom Lévis. Et il monte, tout de même un peu ému, par le bon aspect de l'escalier, une statue à l'entrée, des fauteuils à chaque étage, un luxe de maison moderne, avec lequel contraste bien fort son habit râpé, ses souliers prenant l'eau et sa très délicate commission. À moitié chemin, racontait le faiseur, j'eus la tentation de redescendre. Puis, ma foi, je trouvais crâne de tenter le coup. Je me dis, tu as de l'esprit, de l'aplomb, ta vie a gagné. Honneur à l'intelligence. Et je grimpais 4 à 4. On m'introduisit dans un grand salon que j'eus bien vite inventorié. 2 ou 3 belles anticailles, des débris pompeux, un portrait de la Gilière, beaucoup de misère là-dessous, le divan est flanqué, des fauteuils vides de crin, la cheminée plus froide que son marbre. Arrive le maître de maison, un vieux bonhomme majestueux, très chic, Samson dans Mademoiselle de la Séglière. « Vous avez un fils, monsieur le marquis. » Dès les premiers mots, Samson se lève, indigné. Je prononce le chiffre, 12 millions. Ça le fait rasseoir et on cause. Il commence à m'avouer qu'il n'a pas une fortune égale à son nom, 20 000 francs de rente tout au plus, et qu'il ne serait pas fâché de redorer à neuf son blason. Le fils aura 100 000 francs de dot. « Oh, monsieur le marquis, le nom suffira. » Puis nous fixons le prix de ma commission et je me sauve, très pressé, attendu à mon cabinet d'affaires. Joli, mon cabinet. Je ne savais pas même où je coucherais le soir. Mais à la porte, le vieux me retient et sur un ton bon enfant. Voyons, vous me faites l'effet d'un gaillard. J'ai bien envie de vous proposer... Vous devriez marier aussi ma fille. Elle n'a pas de dot, car à vous dire vrai... J'exagérais tout à l'heure en accusant 20 000 francs de rente. Il s'en faut de plus de la moitié. Mais je puis disposer d'un titre de comte romain pour mon gendre. De plus, s'il est dans l'armée, mes liens de parenté avec le ministre de la guerre me permettent de lui assurer un avancement sérieux. Quand j'ai fini de prendre mes notes, « Comptez sur moi, monsieur le marquis !» Et j'allais sortir. Une main se posa plat sur mon épaule. Je me retourne, Samson me regardait en riant, avec un si drôle d'air. « Et puis, il y a moi, » me dit-il. « Comment, monsieur le marquis ?»« Ma foi, oui, je ne suis pas encore trop défait, et si j'en trouvais l'occasion ?» Il finit par m'avouer qu'il est pourri de dettes, sans un sou pour payer. « Par Dieu, mon cher monsieur Tom, si vous me dénichiez quelque bonne dame du commerce, ayant de sérieuses économies, vieille fille ou veuve, envoyez-la moi avec son sac. Je la fais marquise. » Quand je suis sorti de là, mon éducation était complète. J'avais compris tout ce qu'il y avait à faire dans la société parisienne et l'agence Lévis était moralement fondée. Une merveille que cette histoire, narrée ou plutôt jouée par Tom Lévis. Il se levait, se rasseyait, imitait la majesté du vieux noble, bientôt dégénéré en un cynisme de bohème, et sa façon de déployer son mouchoir entre ses genoux pour croiser ses jambes l'une sur l'autre, et cette reprise à 3 fois sur le néant de ses vraies ressources. On eût dit une scène du neveu de Rameau, mais un neveu de Rameau du XIXe siècle, sans poudre, sans grâce, sans violon, avec quelque chose de dur, de féroce, l'âpreté de cette intonation anglaise de bulldog qui était entrée dans la raillerie de l'ancien voyou de Faubourg. Les autres riaient, s'amusaient beaucoup, tiraient du récit de Tom des réflexions philosophiques et cyniques. « Voyez-vous, mes petits, disait le vieux Lehmans, si les brocanteurs s'entendaient, ils seraient les maîtres du monde. On trafique de tout dans le temps où nous vivons. Il faut que tout vienne à nous, passe par nos mains en nous laissant un peu de sa peau. Car je pense à ce qu'il s'est fait d'affaires depuis 40 ans dans ce trou de la rue Guinard, à tout ce que j'ai fondu, vendu, retapé, échangé. Il ne me manquait plus que de brocanter une couronne. Maintenant, ça y est, c'est dans le sac. » Il se leva, le verre en main, les yeux brillants et féroces. « À la brocante, mes enfants !» Dans le fond, la Darnay, à l'affût sous sa coiffe noire du Cantal, guettait tout, écoutait tout, s'instruisait sur le commerce, car elle espérait s'établir, sitôt la mort de monsieur, et brocanter pour son propre compte. Soudain, la crécelle de l'entrée s'agite violemment, s'étrangle comme un vieux catarrhe. Tous tressaillent. Qui peut venir à pareille heure ? C'est le beau, dit le père, il n'y a que lui. De grands cris accueillent le valet de chambre qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui fait son entrée, blême, hâve, les dents serrées, l'air absolument esquinté et de mauvaise humeur. Assieds-toi là, ma vieille fripe, dit Lehmans, élargissant une place entre lui et sa fille. Diable, fait l'autre devant leurs faces allumées, la table et les reliefs. Il paraît qu'on s'amuse ici. L'observation, le ton funèbre dont elle est faite. Ils se regardent tous, un peu inquiets. Parbleu, oui, on s'amuse, on est gai. Pourquoi serait-on triste ? Monsieur Lebeau semble stupéfait. Comment ? Mais vous ne savez pas ? Quand donc avez-vous vu le roi, comtesse ? Mais ce matin, hier, tous les jours. Et il ne vous a rien dit de la terrible explication ? Alors, en deux mots, il leur raconte la scène, le traité brûlé, l'affaire flambée avec, très vraisemblablement. « Ah, la drogue ! Je suis floué !» dit Séphora. Tom, très inquiet, regarde sa femme jusqu'au fond des yeux. Est-ce que, par hasard, elle aurait eu l'imprudente faiblesse ? Mais la dame n'est pas d'humeur à s'expliquer là-dessus, tout à sa colère, à son indignation contre Christian, qui, depuis 8 jours, s'embrouille en une série de mensonges pour expliquer comment l'acte de renonciation n'est pas encore signé. « Oh, le lâche ! Le lâche et menteur ! Pourquoi Lebeau ne les a-t-il pas prévenus ?»« Ah oui, pourquoi ?» dit le valet de chambre avec son hideux sourire. « J'aurais été bien en peine de vous prévenir. » Depuis 10 jours, je cours les routes. 500 lieues sans respirer, sans débrider. Et pas même moyen d'écrire une lettre, surveillé que j'étais par un affreux moine, un père franciscain qui sent le poil de la bête et joue du couteau comme un bandit. Il épiait tous mes mouvements, ne m'a pas lâché de l'œil une minute, sous prétexte qu'il ne savait pas assez de français pour aller seul et se faire entendre. La vérité, c'est qu'on se défie de moi à Saint-Mandé, et qu'on a profité de mon absence pour manigancer une grosse affaire. « Quoi donc ?» demandent tous les yeux. « Il s'agit, je crois, d'une expédition en Dalmatie. C'est ce diable de Gascon qui leur a monté la tête. Ah, je le disais bien, qu'il aurait fallu se débarrasser de celui-là tout d'abord. » On a beau se cacher de lui, le valet de chambre a flairé depuis quelque temps des préparatifs en l'air, des lettres qui partent à toute heure, des conciliabules mystérieux. Un jour, en ouvrant un album d'aquarelle que cette petite folle de Rosaine avait laissé traîner, il a vu des projets d'uniformes, de costumes dessinés par elle, volontaires illyriens, dragons de la foi, chemises bleues, cuirassiers du bon droit. Un autre jour, il a surpris entre la princesse et Madame de Sylvis une grave discussion sur la forme et la dimension des cocardes. De tout cela, de ces bribes de mots, il a conclu à la grande expédition et le voyage qu'on vient de lui faire faire n'y est pas probablement étranger. Le petit homme noir, une espèce de bossu, qu'on l'a envoyé chercher dans les montagnes de Navarre, doit être quelque grand homme de guerre chargé de conduire l'armée sous les ordres du roi. « Comment, le roi partirait aussi ?» s'écrie le père Lehmans avec un regard méprisant vers sa fille. Un tumulte de paroles suit cette exclamation. « Et notre argent ? Et les billets ? C'est une infamie ! C'est un vol ! Et comme en ce temps-ci, la politique est le plat d'Ésope qu'on en met partout, picherie, très impérialiste, apostrophe la République, raide comme son col de crin. Ce n'est pas sous l'Empire qu'on aurait pu faire une chose pareille, menacer la tranquillité d'un État voisin. Bien sûr, fait J. Tom Lévis gravement, bien sûr que si l'on savait cela à la présidence, on ne le souffrirait pas. Il faudrait prévenir, se remuer. Oui, j'y ai songé, reprend le beau. Malheureusement, je ne sais rien de net, de précis. On ne m'écoutera pas. Et puis, nos gens se méfient, toutes leurs précautions sont prises pour détourner les soupçons. Ainsi, ce soir, c'est l'anniversaire de la reine. On donne une grande fête à l'hôtel des Rosaines. Allez donc raconter aux autorités que tous ces danseurs-là sont en train de conspirer et de préparer des batailles. Il y a pourtant quelque chose de pas ordinaire dans ce bal. Alors seulement, on remarque que le valet de chambre est en tenue de soirée, souliers fins, cravate blanche. Il est chargé là-bas de l'organisation des buffets et doit s'en retourner bien vite à l'île Saint-Louis. Tout à coup, la comtesse, qui réfléchit depuis un moment, « Écoutez, le beau, si le roi part, vous le saurez, n'est-ce pas? On vous avertira, ne fût-ce que pour lui fermer sa malle. Eh bien, que je sois prévenu une heure avant, je vous jure que l'expédition n'aura pas lieu. » Elle dit cela de sa voix tranquille, avec une décision lente mais ferme. Et pendant que J. Tom Lévis, rêveur, se demande par quel moyen Séphora pourra empêcher le roi de partir, que les autres associés, tout penauds, calculent ce que leur coûterait une non-réussite de l'affaire, Maître Lebeau, retournant à son bal, se hâte sur la pointe de ses escarpins, à travers des dalles de petites rues noires, découpées de vieux toits, de moucharabiers, de portails à écussons, tout ce quartier aristocratique du dernier siècle, transformé en fabrique, en atelier, qui, secoué le jour de lourds camions et du fourmillement d'un peuple pauvre, reprend la nuit son caractère de curieuse ville morte. La fête se voyait et s'entendait de loin. Fête d'été, fête de nuit, en voyant aux deux rives de la Seine ses sonorités épandues, comme sa lumière en buée rouge d'incendie, à cette extrémité de l'île qui semble avancer sur le flottement de l'eau, la poupe arrondie et relevée d'un gigantesque navire à l'ancre. En s'approchant, on distinguait les hautes fenêtres toutes flamboyantes sous les lampes, les mille feux de couleur en girandole rattachés aux massifs, aux arbres séculaires du jardin, et sur le quai d'Anjou, d'ordinaire endormi à 7 heures, les lanternes des voitures trouant la nuit de leurs petits fanaux immobiles. Depuis le mariage d'Herbert, l'hôtel Rosaine n'avait pas vu pareille fête, et encore celle de ce soir était-elle plus vaste, plus débordante, toutes fenêtres et portes ouvertes sur la splendeur d'une nuit d'étoiles. Le rez-de-chaussée formait une longue galerie de salons en enfilade, d'une hauteur de cathédrale, décorée de peintures, de dorures anciennes, où les lustres de Hollande et de Venise, les lanternes de mosquées tombant des plafonds, éclairaient une étrange décoration, tentures frissonnantes aux reflets d'or verts et rouges, lourdes châsses d'argent massif, ivoires encadrés et fouillés, vieilles glaces aux étains noircis, reliquaires, étendards, richesses du Monténégro et de l'Herzégovine que le goût parisien avait su grouper, assembler, sans rien de criard ni de trop exotique. L'orchestre, sur une tribune d'anciens oratoires, rappelant celui de Chenonceau, s'entourait d'oriflammes, abritant des fauteuils réservés à la reine et au roi. Et en contraste à tout ce passé, dans ces reflets de riches anticailles qui auraient transporté le père Lehmanns, les valses du jour entraînantes et tourbillonnantes, les valses aux longues traînes ouvragées, aux yeux brillants et fixes dans la vapeur des cheveux crêpelés, passaient comme un défi de l'éclatante jeunesse, avec des visions blondes, amincies et flottantes, et de brunes apparitions d'une pâleur moite. De temps en temps, de cet enchevêtrement de danseurs lancés en rond, de cette mêlée d'étoffes soyeuses qui met dans la musique des bals un coquet et mystérieux chuchotement, un couple se détachait, franchissait la haute porte-fenêtre, recevait sur les deux têtes inclinées en sens inverse l'éclair blanc du fronton où le chiffre de la reine s'allongeait en gaz flamboyant et continuant dans les allées du jardin le rythme de la danse avec une hésitation, des arrêts causés par l'éloignement du son, faisait de la valse à la fin une marche cadencée, une promenade harmonique côtoyant les massifs embaumés de magnolias et de roses. En somme, à part la rareté, la curiosité du décor, quelques types étrangers de femmes à cheveux fauves, à souplesse molle de slavone, il n'y avait là, à première vue, qu'une de ces kermesses mondaines, comme le faubourg Saint-Germain, représenté à l'hôtel Rosen par ses noms les plus anciens, les plus pompeux, en donne quelquefois dans ces vieux jardins de la rue de l'Université, où les danses passent des parquets cirés aux pelouses, où l'habit noir peut s'égayer de pantalons clairs, fête de plein air et d'été, plus libre, plus exubérante que les autres. Dans sa chambre du second étage, le vieux duc, tordu depuis 8 jours par une crise de sciatique, écoutait les échos de son bal, étouffant sous la couverture des cris de douleur et des malédictions de caserne contre cette ironique cruauté du mal qui le clouait sur son lit un jour pareil, le mettait dans l'impossibilité de se joindre à toute cette belle jeunesse qui devait partir le lendemain. Le mot d'ordre donné, les postes de combat choisis, ce bal était un adieu, une sorte de bravade aux mauvaises chances de la guerre, en même temps qu'une précaution contre les curiosités de la police française. Si le duc ne pouvait accompagner les volontaires, il se consolait en songeant que son fils Herbert serait de l'affaire et ses écus aussi, car leur majesté avait bien voulu lui permettre de se charger des frais de l'expédition. Sur son lit, mêlés à des cartes d'état-major, à des plans stratégiques, traînaient des notes de fourniture, caisses de fusils, chaussures, couvertures, vivres de campagne, qu'il vérifiait soigneusement, avec de terribles froncements de moustaches, l'héroïque grimace du royaliste, luttant contre des instincts parcimonieux et fouisseurs. Parfois un chiffre, un renseignement lui manquait. Alors il faisait monter Herbert, un prétexte pour garder quelques minutes, là, dans ses courtines, ce grand-fils qui le quitterait demain pour la première fois, qu'il ne reverrait plus jamais peut-être, et pour lequel il éprouvait une immense tendresse, mal dissimulée, sous un abord et des silences majestueux. Mais le prince ne tenait pas en place, pressé de redescendre faire les honneurs de l'hôtel, et surtout ne voulant rien perdre des heures courtes qu'il avait encore à passer près de sa chère Colette. Debout avec lui dans le premier salon, elle l'aidait à recevoir les invités de son père, plus jolie, plus élégante que jamais, serrée dans son étroite tunique d'ancienne dentelle, faite d'une aube d'évêque grec, dont le reflet mat encadrait bien sa beauté fragile, empreinte ce soir d'un air de mystère presque grave. Cela reposait ses traits, fronçait ses yeux, du même bleu que cette petite cocarde, gaminant parmi ses boucles, au-dessous d'une aigrette en diamant. Chut ! Une cocarde de volontaire illyrien, un modèle adopté pour l'expédition et dessiné par la princesse. Ah, depuis 3 mois, elle n'était pas restée inactive, la chère petite. Copier des proclamations, les porter en cachette au couvent des franciscains, dessiner des costumes, des bannières, dépister la police qu'elle croyait avoir toujours sur ses talons, c'est ainsi qu'elle tenait son rôle de grande dame royaliste, inspirée de ses anciennes lectures du Sacré-Cœur. Un seul détail manquait à ce programme de briganderie vendéenne. Elle ne pouvait partir, suivre son Herbert. Car maintenant, c'était Herbert, rien qu'Herbert. Par un bénéfice de nature, on ne pensait pas plus à l'autre qu'à l'infortuné Ouistiti, si cruellement broyé sur la berge voisine. Cette joie d'endosser un costume d'homme et de chausser de grandes petites bottes était refusée à Colette pour 2 raisons. L'une, son service près de la reine, l'autre, tout intime, chuchotait la veille à l'oreille de l'aide de camp. Oui, si ce n'était pas un leurre, dans un laps de temps facile à calculer, en prenant le jour de la séance académique comme point de départ, la race des Rosen compterait un petit représentant de plus et l'on ne pouvait exposer un espoir aussi cher, aussi précieux, aux fatigues d'une expédition qui ne se terminerait pas sans quelques rudes et sanglantes estocades, pas plus qu'on ne pouvait accepter de faire un tour de valse par les salons splendides. Voilà bien des secrets à garder pour la petite femme, et malgré le mystère de ses lèvres, ses yeux adorablement bavards, la façon alanguie dont elle s'appuyait au bras d'Herbert, avait envie de tout raconter pour elle. Soudain, l'orchestre se tait, les danses s'arrêtent. Tout le monde est debout pour l'entrée de Christian et de Frédéric. Ils ont traversé les trois salons, resplendissants de richesses nationales, où la reine a pu voir partout son chiffre brodé de fleurs, de lumières, de pierreries, où tout leur a parlé de la patrie, de ses gloires. Et maintenant, ils s'arrêtent au seuil du jardin. Jamais la monarchie n'a été représentée d'une façon plus fière, plus brillante. Un vrai couple a gravé sur la monnaie d'un peuple, au fronton d'une dynastie. La reine surtout est admirable, rajeunie de 10 ans dans une splendide toilette blanche et sur les épaules, pour tout bijou, un lourd collier d'ambre auquel pend une croix. Offert et béni par le pape, ce collier a sa légende que les fidèles se racontent tout bas. Frédéric l'a porté tout le temps du siège de Raguse, 2 fois perdu et miraculeusement retrouvé dans les sorties, sous le feu de la bataille. Elle y attache une superstition, y fit tenir un vœu de reine, sans se préoccuper de l'effet charmant de ses perles dorées, si près de ses cheveux, dont elles égrènent pour ainsi dire les reflets. Tandis que les souverains sont là, debout, radieux, admirant la fête et la vue du jardin féeriquement allumée, du milieu d'un massif de rhododendrons partent subitement 3 coups d'archer, bizarres, déchirants, énergiques. Tout ce qu'il y a de slave dans l'assemblée tressaille en reconnaissant le son des guslas dont on entrevoit à travers la verdure sombre les mandolines à longues manches. Cela commence par un prélude bourdonnant, un débordement de lointaines ondes sonores qui s'avance, monte, grandit, se répand. On dirait une nuée lourde, chargée d'électricité, que de temps en temps l'archer plus vif zèbre d'éclairs et d'où jaillit bientôt le rythme orageux, voluptueux, héroïque de l'air national, hymne et danse à la fois, de cet air de Rodoïza qui, là-bas, est de toutes les fêtes, de toutes les batailles et présente bien le double caractère de son antique légende. L'éduc Rodoïza, tombé aux mains des Turcs, fait le mort pour s'échapper. On allume du feu sur sa poitrine, l'éduc ne remue pas. On glisse dans son sein un serpent, aiguisé par le soleil, on lui enfonce 20 clous sous les ongles, il garde son immobilité de pierre. Alors on fait venir Aïkouna, la plus grande, la plus belle fille de Zara, qui se met à danser en chantant l'air national illyrien. Dès les premières mesures, dès que Rodoïza entend tinter les sequins du collier de la belle, frémir les franges de sa ceinture, il sourit, ouvre les yeux, serait perdu si la danseuse, dans un pas élancé, ne jetait sur le visage qui s'anime le foulard de soie dont elle marque et couronne sa danse. Ainsi, l'éduc fut sauvé, et voilà pourquoi, depuis 200 ans, l'air national d'Illyrie s'appelle l'air de Rodoïza. En l'entendant sonner sous le ciel d'exil, tous les Illyriens, hommes et femmes, ont pâli. Cet appel des gouzlas, que du fond des salons l'orchestre accompagne en sourdine, comme un murmure de flots au-dessus desquels crie l'oiseau des oranges, c'est la voix même de la patrie, gonflée de souvenirs et de larmes, de regrets et d'espoirs inexprimés. Les archers énormes, lourds, en forme d'arc de combat, ne vibrent pas sur des cordes vulgaires, mais sur des nerfs tendus à se rompre, des fibres délicatement résonnantes. Ces jeunes gens, hardis et fiers, à tournure d'éduc, se sentent tout le courage indomptable de Rodoïza, si bien payé de l'amour d'une femme. Ces belles dalmates, grandes comme Aïkouna, ont au cœur sa tendresse pour les héros. Et les vieux, en pensant à la patrie lointaine, les mères, en regardant leurs fils, tous ont envie de sangloter, tous, sans la présence du roi et de la reine, mêleraient leur voix aux cris stridents, à toute gorge, que les joueurs de Guzla, leurs morceaux finis, jettent jusqu'aux étoiles dans une dernière fusée d'accords. Sitôt après, les danses reprennent, avec une envolée, un entrain surprenant, dans un monde où l'on ne s'amuse plus guère que par convention. Décidément, comme dit le beau, il y a dans cette fête quelque chose qui n'est pas ordinaire, quelque chose d'ardent, de fiévreux, de passionné, qu'on sent dans l'étreinte des bras autour des tailles, l'emportement des danseurs, certains regards étincelants qui se croisent, jusque dans la cadence des valses, des mazourques, où sonnent tout à coup comme un cliquetis des triers et des perrons. Vers la fin des bals, quand le matin pâlit les vitres, la dernière heure de plaisir a cette ardeur hâtée, ces défaillances ivres. Mais ici, le bal commence à peine et déjà toutes les mains brûlent dans les gants, Tous les cœurs battent sous des bouquets de corsage ou les petites brochettes diamantées, et quand un couple passe, éperdu de rythme et d'amour, de longs regards le suivent, souriant, attendri. Chacun sait en effet que tous ces beaux danseurs, noblesse d'Illyrie exilée avec ses princes, noblesse française toujours prête à donner son sang à la bonne cause, vont partir au petit jour pour une expédition périlleuse et hardie. Même en cas de victoire, combien en reviendra-t-il de ces fiers jeunes gens qui s'enrôlent sans se compter ? Combien, avant 8 jours, mordront la terre, couchés au revers des montagnes, ayant encore dans leurs oreilles, où bourdonne le sang en déroute, ce motif enivrant de mazurka. C'est l'approche du danger qui mêle à l'entrain du bal l'anxiété d'une veillée d'armes, fait briller dans les yeux des larmes et des éclairs, tant d'audace et tant de langueur. Que peut-on refuser à celui qui part, qui va mourir peut-être ? Et cette mort qui plane, dont l'aile vous frôle dans la cadence des violons, comme elle resserre l'étreinte et précipite l'aveu. Fugitives amours, rencontres d'éphémères, traversant le même rayon de soleil. On ne s'est jamais vu, on ne se reverra plus sans doute, et voilà 2 cœurs enchaînés. Quelques-unes, les plus hautaines, essaient de sourire malgré leur émotion, mais que de douceur encore sous cette ironie. Et tout cela tourne, front renversé, boucle flottante, chaque couple se croyant seul, enfermé, étourdi dans les ronds enlacés et magiques d'une valse de Brahms ou d'une mazurka de Chopin. Quelqu'un de bien vibrant aussi, de bien ému, c'était Méraud, en qui le chant des guzlas, tour à tour d'une douceur ou d'une énergie sauvage, avait éveillé l'humeur bohème, aventureuse, qui est au fond de tous les tempéraments du soleil, une envie folle de s'en aller loin par des chemins inconnus vers la lumière, l'aventure, la bataille, d'exécuter quelque action fière et vaillante pour laquelle les femmes l'admireraient. Lui qui ne dansait pas, qui ne se battrait pas non plus, la griserie de ce bal héroïque l'envahissait, et de songer que toute cette jeunesse allait partir, donner son sang, courir les belles et dangereuses équipées, tandis qu'il restait avec les vieillards, les enfants, de songer qu'ayant organisé la croisade, il la laisserait s'engager sans lui, cela lui causait une tristesse, une gêne inexprimable. L'idée avait honte devant l'action, et peut-être aussi qu'à ce navrement, à ce goût de mourir que lui versaient les chansons et les danses slaves, la fierté rayonnante de Frédéric au bras de Christian n'était pas étrangère. Comme la sentait heureuse de retrouver enfin le roi, le guerrier, dans son mari. Haïkuna, Haïkuna, au cliquetis des armes, tu peux tout oublier, tout pardonner, les trahisons, les mensonges. Ce que tu aimes par-dessus toute chose, c'est la vaillance physique, c'est à elle, toujours, que tu jetteras le mouchoir chaud de tes larmes ou des parfums légers de ton visage. Et pendant qu'il se désole ainsi, Haïkuna, qui vient d'apercevoir dans un coin du salon ce front large de poète où se tord l'abondante chevelure rebelle et si peu mondaine, Haïkuna sourit, lui fait signe d'approcher. On dirait qu'elle a deviné la cause de sa tristesse. « Quelle belle fête, monsieur Méraud !» Puis, baissant la voix, « Je vous la dois encore, celle-là, mais nous vous devons tant. On ne sait plus comment vous dire merci. » C'était bien lui, en effet, dont la foi robuste avait soufflé sur toutes ses flammes éteintes, rendu l'espoir aux défaillances, préparé le soulèvement dont on allait profiter demain. La reine ne l'oubliait pas, elle, et il n'y avait personne dans l'illustre assemblée à qui elle eût parlé avec cette bonté déférente, ce regard de gratitude et de douceur, là, devant tous, au milieu du cercle respectueux tracé autour des souverains. Mais Christian II s'approche, reprend le bras de Frédéric. « Le marquis de Ezeta est ici, » dit-il à Élisée. « L'avez-vous vu ?»« Je ne le connais pas, sire. » »« Il prétend cependant que vous êtes d'anciens amis. Tenez, le voilà. » Ce marquis de Ezeta était le chef qui, en l'absence du vieux général de Rosen, devait commander l'expédition. Il avait montré, dans le dernier coup de main du duc de Palma, d'étonnantes qualités de chef de corps, et jamais, si on l'eût écouté, l'échauffouré n'aurait eu sa fin piteuse. Quand il vit ses efforts perdus et que le prétendant lui-même donnait l'exemple et le signal de la fuite, le cabecilla, pris de lassitude et de misanthropie, se jeta en pleine montagne basque, y vécut à l'abri des conspirations enfantines, des fausses espérances, des coups d'épée dans l'eau qui épuisaient ses forces morales. Il voulait mourir obscur dans sa patrie, mais devait être tenté encore une fois aux aventures par le royalisme entraînant du père Alphée et le renom de bravoure de Christian II. L'ancienne noblesse du partisan, son existence romanesque toute d'exil, de persécution, de grands coups d'éclat, ses cruautés de fanatique, entouraient le marquis José Maria de Ezeta d'un intérêt presque légendaire, en faisait le personnage de la soirée. « Bonjour, Élie, » dit-il en s'avançant vers Élisée, la main tendue, en l'appelant de son nom d'enfant, du temps de l'enclos de Rey. « Eh oui, c'est moi, c'est ton vieux maître, Monsieur Papel. » L'habit noir, chargé de croix et d'ordre, la cravate blanche ne le changeait guère, ni même les 20 ans qu'il avait en plus sur cette énorme tête de nain tellement brûlée par la poudre et le hâle démon, que sa veine frontale, effrayante et caractéristique, se voyait à peine. Avec elle, l'entêtement royaliste semblait s'être atténué, comme si le cabecir avait laissé au fond du béret basque, jeté par lui dans un torrent à la fin de la campagne, une partie des anciennes croyances, des illusions de sa jeunesse. Élisée fut étrangement surpris d'entendre parler son ancien maître, celui qui l'avait fait ce qu'il était. « Vois-tu, mon petit Élie ?» Le petit Élie avait 2 pieds de plus que lui et pas mal de mèches grisonnantes. « C'est fini, il n'y a plus de roi. Le principe est debout, mais les hommes manquent. Pas un de ces désarçonnés qui soit capable de se remettre en selle, pas un même qui en ait le vrai désir. Ah, ce que j'ai vu pendant cette guerre !» Une buée sanglante envahit son front, injecta ses yeux fixes, comme agrandis d'une vision de honte, de lâcheté, de trahison. « Mais tous les rois ne sont pas les mêmes, » protesta Méro, « et je suis sûr que Christian... » Le tien ne vaut pas mieux que le nôtre. Un enfant, un jouisseur. Pas une idée, pas une volonté dans ses yeux de plaisir. Mais regarde-le donc! Il montrait le roi qui entrait en valsant, les yeux noyés, le front moite, sa tête toute petite et ronde, penchée sur l'épaule nue de la danseuse, la humant de sa lèvre ouverte, avec une tentation de s'y rouler. Dans l'ivresse montante du bal, le couple passa près d'eux sans les voir, les toucha de son haleine haletante. Et comme on envahissait la galerie pour regarder danser Christian II, le premier valseur de son royaume, Ezeta et Méro se réfugièrent dans l'embrasure profonde d'une de ces croisées ouvertes sur le quai d'Anjou. Ils restèrent là longtemps, à demi dans la rumeur et le tourbillon du bal et l'ombre fraîche, le silence apaisant de la nuit. Les rois ne croient plus, les rois ne veulent plus. Pourquoi nous entêterions-nous pour eux ? Disait l'Espagnol d'un air farouche. Vous ne croyez plus, et cependant vous partez ? Je pars. Sans espoir ? Un seul, celui de me faire casser la tête, ma pauvre tête, que je ne sais plus où poser. Et le roi ? Oh, celui-là, je suis bien tranquille. Voulait-il dire que Christian II n'était pas encore à cheval ? Ou que, pareil à son cousin le duc de Palme, il saurait toujours revenir sauf de la bataille. Il ne s'expliqua pas davantage. Autour d'eux, le bal continuait à virer en tourbillon fou, mais Élisée le voyait maintenant à travers le découragement de son vieux maître et ses propres désillusions. Il sentait une immense pitié pour toute cette jeunesse vaillante qui, si gaiement, s'apprêtait à aller combattre sous des chefs désabusés. Et déjà, la fête, son train confus, ses lumières voilées, disparaissaient pour lui dans la poudre d'un champ de bataille, la grande mêlée de désastres où l'on ramasse les morts inconnus. Un moment, pour échapper à cette vision sinistre, il se pencha sur l'appui de la fenêtre, vers le quai désert, où le palais jetait de grands carrés lumineux, prolongés jusque dans la Seine. Et l'eau qu'il écoutait, tumultueuse et tourmentée à cette pointe de l'île, mêlant le bruit de ses courants, de ses furieux remous contre l'arche des ponts, aux soupirs des violons, aux plaintes déchirantes des guzlas, tantôt bondissait à petits coups comme les sanglots d'un cœur oppressé, ou bien se répandait à grands flots épuisants comme le sang d'une blessure large ouverte.